Quand tu es monté dans lumière, pouvais-tu voir l'atmosphère? Tu voyais-tu nos maisons du haut de ta prison? Une fois là-bas, tu ne savais pas que t'étais poigné pour y rester. T'as trop pensé à moi.